études de marché. Les études de marché, ça sert à quoi? Ça sert notamment à mieux comprendre le comportement du consommateur ou de l'entreprise, puisque on est souvent dans les marchés en B2B, c'est-à-dire d'une entreprise à une autre, mieux comprendre la manière dont le processus d'achat se déroule, de façon à pouvoir adapter son produit ou son service aux désirs, aux attentes, à la manière de se comporter des populations et des cibles concernées. Donc clients et consommateurs, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. C'est en fait une espèce de mise en perspective de tout ce que moi j'ai pu voir, apprendre au cours des différentes études de marché que j'ai pu lire ou auxquelles j'ai pu participer dans les dernières années. Il n'est pas impossible que certaines choses vous paraissent bizarres, puisque vous faites partie de la génération qui monte et qui a probablement d'autres manières de voir les choses. Donc, je suis ouvert au débat, d'autant plus que ça, c'est une chose que vous devez retenir absolument en marketing, c'est que le consommateur, ça n'existe pas. Ce fameux consommateur lambda dont on parle tout le temps dans les médias, il n'existe pas. Ça voudrait dire que le consommateur moyen est une entité réelle. Or, le consommateur moyen n'est justement que la moyennisation, la simplicisation de process beaucoup plus complexe, puisqu'il résulte de relations humaines et du fonctionnement du cerveau humain. Si on pouvait expliquer le fonctionnement du cerveau humain par une équation simple, ça se saurait, et croyez-moi, le monde serait beaucoup plus emmerdant qu'il ne l'est aujourd'hui. Parce que, bien sûr, en fonction des émotions que vous avez aujourd'hui, vous allez trouver que le cours est chiant ou agréable. Et ça, c'est influencé par quoi? Ben, peut-être parce que vous a dit votre petit ami ce matin, et auquel les autres n'ont pas accès, une information qui n'impacte pas sur les autres. Donc, en fait, chacun évolue dans sa sphère et se comporte comme lui, je ne dirais même pas, a décidé de le faire, puisque beaucoup de comportements sont complètement subconscients et sont téléguidés par votre cerveau, ou votre cœur, hein, ou votre âme, vous l'appelez comme vous voulez, mais parce que vous êtes vous, à ce moment-là, et que vous n'avez rien à voir avec l'ensemble des autres. Donc, le consommateur lambda, ça n'existe pas. Mais on essaye de trouver des schémas, on essaye de trouver des grandes explications, on essaye de définir des grands mouvements, des grands trends, des grandes tendances, qui devrait être à peu près vrai dans la plupart des cas, pense-t-on. Je suis très très prudent, hein, puisqu'aujourd'hui, on fait du marketing one-to-one. C'est parce que vous avez échangé avec votre copain sur Snapchat deux messages que tout à coup, votre smartphone va vous dire quelque chose. Rien qu'à vous. Bien, ceci étant dit, voyons comment ça se comporte, le cerveau d'un consommateur. Et pour commencer, je voudrais qu'on fasse un jeu. Évidemment, si je ne l'allume pas, ça ne va pas marcher. Voilà, je ne l'ai pas laissé longtemps et je l'ai fait exprès. Je voudrais que vous me disiez qu'est-ce que vous avez retenu de l'image que je viens de montrer. Une chose. Une publicité. D'accord. Et vous? Hôtel de Nice. Ouais. Et vous? Un couple qui s'embrasse. Un couple qui s'embrasse. Ouais. Et vous? Une horloge. Une horloge, oui. Oui. Et vous? Un café en bas à gauche. Je pourrais continuer sur tout l'auditoire, je ne vais pas le faire, on n'a pas le temps. Qu'est-ce que ça vous enseigne, ce qu'on vient de faire? Réveillez-vous. chacun de vous a retenu une chose différente alors que vous avez regardé tous la même image. On est d'accord ? Alors, on va d'abord checker, évidemment. Hein. Oui, il y a bien une pub. Souvent, on me dit que c'est une pub pour une bagnole, ou pour un homme politique, d'ailleurs. Hein. Il y a bien un hôtel de Nice, effectivement. Il y a bien un couple qui s'embrasse en bas à droite. Il y a bien une horloge. Alors souvent, il y en a au moins un sentimental qui parle du couple qui s'embrasse. Mais il y a souvent aussi un analytique qui me dit l'heure qu'il est sur l'horloge en question. Et il y a effectivement bien un café. Et les uns auront vu une vieille rue du vieux Paris. Et les autres auront vu, je ne sais pas, la rue Marché aux Herbes à Bruxelles. Et je vais vous dire un truc. Vous avez tous raison. Et même si vous avez vu New York, vous avez raison. Parce que c'est votre perception et que vous êtes prêt à jurer que c'est New York éventuellement. Hein, souvent, il y en a même qui me disent qu'il y a un chien qui a fait pipi sur le mur, et c'est vrai aussi. Et bref, vous voyez même peut-être des choses qui n'y sont pas. Vous voyez New York. Si vous voyez New York, bravo, vous avez vu New York et vous êtes prêt à jurer que c'est New York. T'as d'autres qui pourraient dire, mais non, ça ressemble pas du tout à New York. Ben, peut-être des rues. La rue dans laquelle cette personne-là est passée il y a 15 jours à New York, ben, c'est resté cette image-là qui lui est restée. C'est tout à fait possible. Parce que votre perception à vous dépend de tout ce que vous avez vécu, su, lu, entendu, vu, senti, ressenti, pressenti dans votre vie jusque-là. Et donc, c'est la première leçon du comportement du consommateur. Le consommateur, il base tout sur sa perception. Et en marketing, c'est fondamental. Il faut se rendre compte que tout ce que vous faites de bien, mais qui n'est pas perçu, ben ça ne vaut pas un clou. Parce qu'il faut d'abord que le consommateur perçoive. Alors, la perception se fait par tous les sens. Hein, comme vous savez, perception visuelle, c'est évidemment la plus importante la plupart du temps. Auditive, mais aussi olfactive, mais aussi gustative, et mais aussi tactile. Donc, il y a toute une série de perceptions que nous avons et qui nous font voir les choses d'une certaine manière. Et le problème, c'est que, première règle, ben, la perception, c'est un processus individuel. Votre sœur ne perçoit pas les choses de la même manière que vous. Votre papa non plus. Et donc, c'est vraiment un truc individuel. Donc, le consommateur lambda, d'abostopli, hein, comme on dit à Bruxelles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas parce que c'est un phénomène purement individuel. Deuxième chose, c'est que tout ce que vous ne voyez pas ne compte donc pas. Et si, ben par exemple, qu'est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez de l'attente à la poste? Vous n'êtes pas obligé de lever le doigt pour répondre. Vous aimez attendre à la poste ? Non ? Vous avez déjà attendu à la poste ? Oui. Longtemps ? Ah, typiquement, tout le monde dit ouais, non, au fil d'attente, etc. Moi, j'ai mesuré le réel temps d'attente à la poste. Et je peux vous dire que dans 96% des cas, c'est moins de 3 minutes. Quelle attente à la poste. Mais c'est pas tout ce que tout le monde dit. Hein. Et on a l'impression que notre oméga ne fonctionne pas de la même manière que la leur, hein, quelque part. Et donc, on voit des choses, on perçoit des choses qui n'y sont même pas. Qui n'y sont même pas. C'est pas objectif, notre perception. Monsieur, j'ai traversé la rue et cette voiture est venue me cogner. Elle allait à une vitesse folle. C'est quoi une vitesse folle? J'ai eu la perception qu'elle allait vite. Moi, en pratique, c'est très rare qu'on soit au-delà de 40-50 km/h. Mais on a perçu une vitesse folle. Le temps, la vitesse, le caractère agréable ou désagréable d'une chose, c'est parfaitement subjectif. Sauf si on se met à chronométrer, à mesurer, mais je trouve ça beau, c'est parfaitement subjectif. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. Et certains aiment Jackson Pollock, et d'autres n'aiment pas du tout Jackson Pollock. Et c'est le droit. C'est pas objectif. Par contre, on perçoit des tas de choses qu'on préférerait que les gens ne perçoivent pas. On perçoit des tas de choses entre les lignes, par exemple, durant mes cours, certainement que vous voyez, si jamais il y a une faute d'orthographe dans mes slides, ça va vous frapper tout de suite, vous qui êtes très fort en orthographe. J'affirme des choses, là, mais je ne suis pas sûr de moi, en définitive. Je ne suis pas quoi de moi. Mais vous l'aurez vu, vous l'aurez retenu, et peut-être que même vous en aurez parlé à vos copains, t'as vu qu'on voit une faute d'orthographe dans ces slides. Ah oui, il y en a plein. Vous voyez, la mesure de l'objectivité. Alors ça, c'est aussi une chose que j'aimerais bien que vous reteniez pour vos mémoires. Vite, grand, beaucoup, plein, sont des qualificatifs inacceptables dans un mémoire. Parce que c'est tout sauf précis. Les sociétés dépensent énormément d'argent pour. C'est combien énormément d'argent pour? Les sociétés gagnent un tas de pognon. C'est combien un tas de pognon? Il faudra consacrer de gros investissements. C'est quoi des gros investissements? Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut plus utiliser des mots vagues comme ça dans les travaux scientifiques. Alors, aussi, et ça c'est valable pour nos contrées, c'est pas valable pour toutes les contrées, et c'est, je dirais, de moins en moins valable aussi, il y a une espèce de forme culturelle dans nos contrées, pays plus ou moins latins, du plus ou moins développé, du plus ou moins Europe de l'Ouest, le client, il n'a pas tendance à se plaindre facilement au prestataire de service. Si le maître d'hôtel s'amène en disant « tout va bien », on ne lui dit pas que le steak est dur ou que le poisson sent un peu le doux. Pourquoi ? Ben parce qu'on a été élevé comme ça. Surtout pas faire de vagues, hein, pas se plaindre, pas créer l'esclandre. Aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, TripAdvisor, Snapchat, Instagram et tous les machins, d'ailleurs, vous êtes peut-être en train de dire à votre copain, bien surtout pas au cours, il est chiant aujourd'hui. Aujourd'hui, on se plaint beaucoup plus, mais de manière détournée. Hein. On zappe et on parle, on échange, on poste. Tout ça entretient une forme de perception. Vous n'avez pas aimé cet hôtel, et donc vous transmettez votre perception à des tas d'autres. Et qu'est-ce qu'ils en font, les autres? Ils transmettent aussi. Hein? Le bouche à oreille, ça fonctionne surtout dans le négatif, d'ailleurs. Ça fonctionne surtout dans le négatif. Quand vous avez eu une bonne expérience dans un restaurant ou dans un hôtel, vous en parlez à combien de personnes? Typiquement, d'après les auteurs, entre une ou deux personnes. Et si vous avez une expérience négative dans un restaurant, vous en parlez à combien? Typiquement, selon les auteurs, entre 5 et 12. Vous voyez déjà que la chaîne du bouche à oreille négatif est beaucoup plus importante en nombre que celle du bouche à oreille positif spontané. Hein, spontané. Et il faut savoir aussi que ceux-là en parlent en moyenne à 1 à 3 personnes. Ça veut dire que le facteur démultiplicateur du négatif peut aller jusqu'à 1 pour 36. Ça, c'est quand même costaud, hein. C'est quand même costaud. Et avec les réseaux sociaux, ça ne fait qu'augmenter. On est certainement largement au-delà de ça. Et alors, si vous vous avez dit, j'ai trouvé que le lavabo dans cet hôtel n'était pas très net, le suivant va dire, ne va pas dans cet hôtel, hein. Il paraît qu'il y a trouvé des poils dans le lavabo. Et le suivant va rajouter un détail croustillant de plus, histoire de faire vrai. Moi, je suis allé à la poste hier et pendant que j'y étais, je faisais la file pour aller chercher un recommandé. Et à ce moment-là, il y avait au fond un type qui est passé. Il est sorti par une porte avec une tasse de café. Il a regardé, il a vu qu'il y avait du monde, il ne s'est pas bougé. Il n'a pas ouvert un guichet de plus et il est entré dans une autre pièce. Donc, pour finir, je suis entré. Je raconte ça à ma femme ce soir. Ben, demain, quand elle téléphonera à sa mère comme tous les matins, elle va lui dire, il y a ton gendre qui hier est allé à la poste. Oh. Il a fait la file pendant au moins 20 minutes. Je ne vais pas parler de minutes, si. Pendant au moins 20 minutes. Et pendant ce temps-là, les autres derrière étaient en train de boire. Et ma belle-mère, quand elle parlera à sa voisine en fin de matinée, va dire, mon gendre est allé à la poste hier, il a attendu pendant une heure et derrière, tous les autres étaient pétés. C'est comme ça que ça fonctionne, le bouche à oreille négatif. On entretient, on rajoute du détail, et ça peut faire très très très mal. Ça peut détruire complètement la réputation d'une entreprise. Hein. J'entendais ce matin que la marque Karcher va demander qu'on ne parle plus de karcheriser les quartiers en France. Et que Flamby a demandé qu'on n'utilise plus sa marque pour décrire certains présidents, etc., etc. Vous voyez, les détails croustillants négatifs peuvent créer une mauvaise réputation très, très, très rapidement aujourd'hui, parce que vous échangez tout le temps justement des impressions et des émotions. Ce qui veut dire qu'un seul petit moins, si on veut le compenser, il va falloir travailler très très dur pour rajouter un petit plus dans votre perception. Hein. Il va falloir en faire beaucoup pour rajouter du plus pour que ça, une première impression se transforme. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit « On n'a jamais deux fois l'occasion de faire une bonne première impression. » La première impression est primordiale. Ce qui est vu la première fois fait qu'on va souvent définitivement aimer ou pas aimer, percevoir positivement ou pas les choses qu'on voit. Ça ne rend pas le marketing facile, ça, hein. En particulier aujourd'hui, où justement cet échange d'impressions est permanent. Alors, oui, il y a encore une formule, mais c'est juste pour vous faire réfléchir. Pas une formule mathématique, c'est j'essaye de mettre en équation la manière dont ça fonctionne. Qu'est-ce que vous jugez quand vous regardez une pub ou quand vous essayez un produit ou quand vous allez pour la première fois dans un endroit? Eh bien, vous essayez de vous imaginer si ça valait la peine pour vous, si vous aimez par rapport à la charge de travail que vous avez eue. Okay. Et donc, je qualifie la charge de travail que vous avez eue comme le sacrifice que vous avez consenti. Vous avez daigné faire X kilomètres pour aller à tel endroit, et ça vous a d'ailleurs coûté autant. La chambre vous a coûté, l'essence vous a coûté, etc. Donc vous constatez déjà que la notion de prix n'est pas suffisante dans l'évaluation, parce que vous évaluez avec d'autres choses en tête que le prix. Et on reparlera d'ailleurs, quand on traitera du chapitre pricing, on reparlera de cette idée qu'aujourd'hui, le prix c'est certes une dimension sur laquelle beaucoup de gens se battent, mais qu'il y a des tas de dimensions de sacrifices autour du prix qui vaudrait la peine qu'on s'en occupe, parce que si on peut résoudre une partie de ces sacrifices-là, peut-être qu'on ne sera pas obligé de baisser son prix. Je vais donner un exemple. Je vous l'ai peut-être déjà dit, il y a un restaurant très sympa, pas loin de mon bureau. Je vous l'ai déjà dit ? je ne sais d'ailleurs plus comment il s'appelle, mais peu importe. Il est très sympa, on y mange bien, il y a un menu tous les jours qui est imaginatif. Le service est agréable, c'est deux jeunes gars comme ça. Et le cadre est cosy. J'y vais jamais. J'y vais jamais parce que si je veux y aller à midi, à pied, c'est un rien trop loin, surtout s'il fait comme aujourd'hui, et j'ai pas trop de temps. Donc j'y vais en voiture, et quand j'y vais en voiture, je tourne, et je tourne, et je tourne, et si je trouve une place, c'est de nouveau juste en face de mon bureau. Donc j'y vais jamais, parce que l'effort pour trouver une place de parking pour aller manger là, est trop grand. Vous comprenez pourquoi j'y vais pas? La notion de sacrifice, là, n'est pas au niveau du prix. Elle est au niveau de l'effort à consacrer. L'accès est trop compliqué. De la même manière que vous n'allez peut-être pas vouloir aller dans un cinéma si vous ne pouvez pas, un, facilement, vous pouvez embarquer, ou deux, downloader les tickets d'entrée. Aujourd'hui, accéder, faire un effort, c'est aussi ça. C'est aussi l'accès aux produits ou aux services. Et donc, vous allez voir qu'on sortira un sacrifice. Et ça, c'est un côté du plateau de la balance. Et sur l'autre côté, vous allez mettre le plaisir que vous en avez tiré, l'émotion positive que vous en avez tiré, la qualité que vous en avez tiré, que ce soit d'un cinéma ou que ce soit d'un hôtel ou que ce soit d'un produit que vous avez mangé. Vous allez là évaluer la qualité de la prestation. Ok ? Et cette qualité de la prestation est aussi un rapport. C'est qualité perçue par rapport à la qualité à laquelle je m'attendais. Parce que vous vous attendez à un certain nombre de choses. On vous dit dans la pub que c'est le plus désaltérant. Donc vous vous attendez à ce que ce soit désaltérant. Et on est souvent bien étonné après d'avoir encore soif pour un deuxième. Donc, vous comparez la qualité que vous recevez, ou que vous percevez plutôt, à celle à laquelle vous vous attendiez. Et la qualité que vous percevez, c'est la qualité du produit lui-même, pas la chambre d'hôtel, mais aussi la qualité du service qu'il y a autour. Est-ce que vous avez été accueilli en français ? Ou en Kamchatkanais. Est-ce que la réceptionniste était agréable ou pas? Est-ce que vous avez trouvé facilement l'endroit ou pas? Est-ce que vous avez vu tous les gens qui sortaient de là en tirant la gueule ou bien tous les gens qui sortaient de là en ayant l'air heureux? Donc, en fait, votre perception est basée sur toute une série de choses qui ont trait au produit lui-même, c'est sûr, mais aussi à des aspects de service autour du produit et à des aspects d'image. Et si quelqu'un vous a dit au départ « ne va pas là, cet hôtel est merdique », eh bien déjà votre appréciation, votre perception va être influencée. C'est pour ça que j'ai mis le symbole « foi » entre chaque. Si l'image dès le départ est zéro, ça peut emporter tout le reste à zéro. Un peu de mathématiques. Et la qualité du service, elle dépend de quoi? Ah, elle dépend de la qualité du personnel, bien sûr, et des procédures. Hein. Dans la procédure, il est mis qu'ils doivent dire bonjour, au revoir, merci. Ah, est-ce qu'ils ont dit bonjour, au revoir, merci? Ben, il y a deux manières de dire bonjour, au revoir, merci. Il y a le BAM, comme chez Deleuze, chez Carrefour, hein, BAM, c'est dans la procédure. Chaque client, il a droit à BAM. Ça, c'est la procédure. Bonjour, comment allez-vous? Allez, au revoir, à bientôt, j'espère vous voir bientôt. Et merci. Hein. Ça, c'est dans l'attitude. C'est pas dans la procédure. Ah oui, mais la procédure, elle ne dicte pas les attitudes. c'est la qualité de la personne qui fait les attitudes. C'est la qualité de la personne, sa compétence et ses aptitudes. L'aptitude au contact humain. Si vous mettez comme réceptionniste dans un hôtel quelqu'un de maladivement timide, ça ne va pas marcher, hein. Si vous mettez à la réception à la maison communale la personne dont plus personne ne veut dans aucun service tellement il est chiant, ça ne va pas marcher non plus, hein. Et pourtant, peut-être que ce type est Bac plus 12. Donc les compétences, il les a. Mais il n'a pas les aptitudes. Ou les aptitudes. Et puis tout ça ne fonctionnera encore que si le management est impliqué dans la qualité du service presté. S'il s'en fout, ça ne va pas marcher non plus. Ah oui, je voudrais vous signaler que les procédures qualité ISO, hein, c'est juste là que ça joue. Juste là. Vous pouvez dire, par exemple, que ma procédure, c'est je veux que 20% de ma clientèle soit satisfaite. Vous atteignez 21%, yes! Vous pouvez être ISO certified. C'est à mon avis un peu juste. Et alors, vous pouvez même avoir des gens très compétents qui ont les bonnes attitudes. S'ils sont complètement démotivés parce qu'ils viennent d'entendre que la direction a décidé de virer 3200 personnes, eh bien, ça ne va pas le faire. En tout cas, pas ce jour-là. Et la motivation, elle est basée sur quoi ? Ben, la motivation financière, bien sûr. On peut être d'autant plus motivé qu'on est rémunéré pour. Et c'est une des choses qu'on peut reprocher à beaucoup, beaucoup, beaucoup de commerces dans nos environs, c'est que le personnel est payé peu, quoi qu'il fasse. S'il est très bon, avec un très bon contact, il ne sera pas payé plus que celui qui est très mauvais, avec un très mauvais contact. Donc les gens ont tendance à partir des fois. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Dans les pays anglo-saxons, souvent, la rémunération est V plus F, c'est variable plus fixe. Elle est variable, une bonne partie de forme de pouvoir, par exemple, dans les restaurants. Hein, et une bonne partie peut être aussi liée à des prestations, à des performances. Et puis, il y a aussi la motivation non financière, le fait d'être fier d'appartenir à tel enseigne de banque, le fait de travailler dans une chouette équipe, le fait que hier, votre patron vous a dit « Ah, ah, j'ai vu ton contact avec le client, ça c'était super. Hein. » Et le problème, c'est que souvent le management ne fait pas ce genre de tape sur l'épaule. Pardonnez-moi de vous avoir touché. Non, parce qu'il y a aussi des personnalités. En Belgique, il y a des toucheurs et il y a des patouches. Au mieux que les toucheurs ne touchent pas les patouches. Sinon, la perception est tout à fait perturbée. Pardonnez-moi. Je reviendrai sur ce qui est. Donc, vous voyez que la qualité qu'on va prester vis-à-vis d'un client, ben, ça peut remonter très loin dans le management d'une entreprise. Si vous avez un manager très compétent, mais qui n'a pas le bon management humain, vous risquez de voir du personnel démotivé qui, même s'il est compétent et a été engagé sur base aussi de ses qualités humaines, ne va pas fournir un bon service qui va donc donner une perception négative à la prestation que l'entreprise a faite pour son client qui s'attendait à mieux. Ça peut remonter très loin. Et tout ça est une question de management. Je vais l'expliquer de manière plus simple. La qualité que vous percevez est la comparaison entre ce à quoi je m'attendais et ce que j'ai reçu, évaluée par rapport à toute une série de critères qui sont les miens, hein, par rapport à une prestation de service. Moi, les miens, c'est accessibilité, parce que ça m'a fait chier de devoir y aller. Hein, crédibilité, est-ce qu'ils ont une bonne image? Fiabilité, est-ce que ce qu'ils m'ont dit, je peux le croire dans cette banque? Sécurité, est-ce que mon pognon risque pas de disparaître avec la banque? Compétence, est-ce qu'il m'a orienté vers les choix qui correspondent à mon type de besoin? Pour courtoisie, bien sûr. Capacité de réponse, voilà, j'ai du pognon, je voudrais avoir un peu de rendement. Est-ce qu'ils ont quelque chose à me proposer? Si c'est juste un livret d'épargne à 0,00, peut-être un petit peu derrière, c'est pas une capacité de réponse qui vous satisfera. Et puis, dans quel délai ils peuvent me proposer aussi? Voilà, toute une série de critères qui, moi, me sont importants. Chacun a les siens. Et l'ordonnancement des critères et leur poids, comme je vous l'ai dit la fois dernière à propos du Club Med, peut être très très variable. C'est vous. Et alors le service auquel je m'attendais dans cette banque, il est basé sur quoi? Ben, BAO, c'est bouche à oreille, hein, c'est trop long à écrire. Bouche à oreille. Le bouche à oreille, c'est quoi? Ben, aujourd'hui, c'est tout ce qui circule sur les réseaux sociaux. C'est tout ce qui est sur Snapchat, Twitter, Facebook et autres, notamment. Mes expériences passées, j'ai déjà eu le cas une fois et j'ai perçu ça comme ça, donc je m'attends à ce que ce soit similaire. La communication que vous avez faite, si vous avez dit « chez nous, vous recevrez le meilleur service », ben, vous placez la barre plus haut, clairement. Donc, mes expectations, mes attentes vont être supérieures. Et puis aussi, mes besoins. Ok, si c'est juste pour un livret d'épargne, ben, c'est un besoin relativement simple et un besoin de base. Mais si c'est parce que... je viens d'hériter d'une somme et je voudrais la protéger de façon à ce que mes enfants puissent en bénéficier, là, tout à coup, stratégiquement, ça devient plus important parce qu'il s'agit de mes enfants. Vous vous êtes fait mal, vous êtes coupé le doigt, vous dites c'est pas grave, mais ça continue à pisser. Pour finir, vous allez dans cet hôpital pour vous faire recoudre. Ben, ok, vous êtes adulte, vous avez mordu sur votre cheek, la douleur ne vous effraie pas, votre sang non plus, c'est pas trop grave. Mais admettez que ça arrive à votre enfant, qui a un an et demi. Mais là, le besoin tout à coup devient hyper stratégique. Ok ? On court tout de suite à l'hôpital pour arrêter ce saignement. Et on demande le meilleur des pédiatres. Quoi? Il dort? Mais réveillez-le, hein? Le besoin est crucial à ce moment-là. Vous comprenez? En fonction du type de besoin, je vais pouvoir avoir des exigences complètement différentes. Alors, deux, trois trucs à propos du consommateur belge qui lui sont assez spécifiques. Est-ce que vous êtes d'accord, parce que je voudrais tester ça auprès de vous, est-ce que vous pensez que le consommateur belge est informé? Ça dépend. Oui, je vois. Je vous vois. Yacnik, comme on dit à Bruxelles, hein, dire oui de la tête. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il n'est pas très pionnier? Pas très audacieux, pas très early adopter. C'est pas lui qui va se lancer tout de suite sur les nouvelles révolutions technologiques. C'est pas lui qui va lancer tout de suite des nouvelles apps. C'est pas lui qui va adopter tout de suite le nouveau produit qui vient de sortir. Oui, oui, effectivement. C'est la raison pour laquelle la Belgique est aussi un bon marché de test. Parce que si les Belges l'adoptent, alors là, il y a de fortes chances que ça marche déjà dans le reste du monde. Quoi. Il y a moins de personnes par famille, hein, environ 2,3 personnes par famille en moyenne. Et ça a tendance à diminuer, sauf dans les grandes villes comme Anvers et Bruxelles. Pourquoi? Exactement. Hein, la population, la démographie dans les grandes villes de notre pays est en augmentation, essentiellement dû à la deuxième génération d'immigration. Et donc, En règle générale, justement, en moyenne, on peut dire que le nombre de personnes par famille diminue, mais on ne peut pas le dire partout. Donc, de nouveau, le client lambda n'existe pas. Aujourd'hui, il est connecté Internet à plus de 80%. Mais il a fallu longtemps, hein, mes amis. Les Hollandais sont connectés à 80% depuis plus de 10 ans. C'est seulement récent. Il y a encore 3-4 ans, je disais 60. Il est motorisé. Il y a 1,6 véhicules par ménage. Diable, où est-ce qu'on va les mettre ? Un véhicule par ménage. Donc il faut en tenir compte. Le problème de la mobilité devient absolument crucial. Il se rend au supermarché, et c'est une nuance importante, c'est bien un supermarché dont il s'agit, c'est-à-dire un magasin essentiellement alimentaire, de proximité, d'une taille inférieure à 4000 m². Il va là une à deux fois par semaine. Et aujourd'hui, il fait en plus toute une série de petites courses. Ce midi, il va dans la librairie et il achète un coca et un paquet de chips. Dans la librairie ? Ben oui, on vend ça aussi dans la librairie, en même temps que le journal. Et donc, en fonction de la mission, il va avoir un certain nombre de destinations différentes pour un besoin qui pourrait être considéré comme similaire. Alimentation. Ils choisissent ce magasin-là parce que c'est le plus près. Et pour une raison bien simple, c'est que la Belgique est un pays extrêmement dense, 30 500 km², 11 millions d'habitants, et où que vous soyez, si vous faites 360 degrés sur vous-même, il y a un commerce de tout à proximité et à vue, non ? Raison pour laquelle l'e-commerce fonctionne beaucoup moins bien en Belgique qu'ailleurs. J'irais me faire chier à prendre le risque de donner, vous savez, les trois petits codes qu'il y a à l'arrière de ma carte Visa à quelqu'un que je ne connais pas et qui habite très loin, alors qu'il y a un magasin à proximité dans lequel je peux toucher. Ah oui, le belge aime toucher. Je l'ai déjà dit. Hein. Le belge est aussi le champion du monde du bon pour. Je suis sûr que vous en avez pratiquement tous dans votre portefeuille. Hein? Un bon pour une réduction de 50 cents sur votre prochain achat de... une réduction sur... mieux encore, 150 points supplémentaires si vous achetez sur votre carte de fidélité. Le Belge est le plus gros utilisateur au monde de coupons. Ça, c'est quand même étonnant. On dirait qu'il les bouffe. Et malgré ça, il a tendance à épargner. Il épargne, alors, 15 à 20%, c'est plus tout à fait vrai, puisque l'épargne ne rapporte plus rien. Donc, aujourd'hui, il a tout ça en cash. Il épargne aujourd'hui à peu près 13%. Mais ça reste très élevé. Alors qu'aux États-Unis, l'Américain moyen dépense 3% de plus que ce qu'il a. Donc, on est dans deux régimes complètement différents. Et malgré cette épargne, un peu de cheval de Dorstbevard, garder une poire pour la soif, c'est un peu la mentalité du Belge. Entendons-nous, dans l'épargne est contenue la reconstitution du capital au travers de l'emprunt hypothécaire. Hein. Donc, le fait d'avoir sa propre maison qu'on rembourse, c'est une forme d'épargne, puisque c'est une mise à côté d'un bien immobilier, donc c'est une épargne sur le long terme. Et 80% des ménages sont propriétaires en Belgique. Ce qui est aussi très important. Et malgré ça, le Belge aime se faire plaisir. Alors, je ne vais pas vous demander comment vous faites plaisir, mais il y a mille et un moyens. Le petit resto du vendredi soir, non ? Et d'ailleurs, si cette fois-ci, on se faisait un petit exotique, non ? Un Thaïlandais, par exemple, ou un Libanais, tiens, ça allait sympa. Et puis, il aime se faire plaisir à comment également ? Je veux pas de détails scabreux, hein, mais... Pardon ? Il va à Paradise voir les pandas, bien sûr, oui, bien sûr, oui. Quoi d'autre ? Ou au Lion de Waterloo, hein. Ah, mon plombier se paye tous les ans 2 semaines en République dominicaine. Hein. Ah oui, hein, ça aussi, un peu d'exotisme, un peu de voyage. Une petite toile sur Netflix, non ? Une petite série, hein ? On aime se faire plaisir. Donc on est ambivalent. Il faut savoir que le Belge, de nouveau, ça n'existe pas en tant que tel, mais il est sous 2 influences majeures qui remontent à l'histoire. Nous avons d'une part été envahis par le Sud, par ce bon vieux Jules, César, hein, qui a conquis les Gaules, comme vous savez, et qui a fini par dire que « Horum omnium fortissimi sunt Belgae », hein, les plus courageux de tout cela, de toutes ces peuplades, sont bien les Belges. Et il s'est arrêté où, Jules ? Ben, il s'est arrêté en Belgique. Et puis, on a été envahis aussi par les peuplades venant du Nord, les Francs, comme leur nom l'indique, n'étaient pas francophones, mais plutôt, justement, germains. Hein. On a été envahis par les Francs, les Saxons, les Normands. Et ils se sont arrêtés où, les Normands ? En Belgique. Et vous savez où ? À la frontière linguistique. Ceci explique cela. On a 2 types de comportements et d'influences majeures et relativement opposées. Le rationnel efficace, réfléchissant et concerné qui vient du Nord, et l'émotionnel, charmant, rigoleur et un peu branleur qui vient du Sud. Et on s'étonne que le pays soit divisé. Mais ça remonte à très très loin. Hein. Alors bien sûr, tout ça c'est mélangé de façon à faire une espèce de prototype belge. Voilà. Que c'était à peine le client lambda, mais vous savez que je résiste. Alors une autre manière d'expliquer les comportements peut être aussi empruntée à la psychologie. Et ça c'est un truc, on va certainement vous en parler si on ne vous en a pas déjà parlé. La bonne vieille pyramide du professeur Maslow. Vous avez déjà entendu parler, j'imagine, de ça ? Ok. Eh bien, il y a des tas de comportements qui peuvent être, en partie au moins, expliqués par cette analyse de comportement. Qu'est-ce qu'on peut y voir ? Ben, d'abord, la nécessité de remplir les premiers types de besoins avant de partir à la recherche des autres. De nouveau, en général. Et par exemple, si vous venez d'être viré de chez Caterpillar, clairement, vos besoins deviennent critiques en safety, security et peut-être même physiologiques. Il faut que je retrouve un job de façon à trouver une rémunération qui me permette de payer mon loyer. Physical safety, protection de mes enfants, j'ai une maison et j'ai un toit, et de le donner à bouffer. Il y a un autre besoin physiologique dont on parle peu, mais qui est très prégnant quand même, c'est le besoin de reproduction. Hein. Ne l'oubliez jamais, parce qu'il guide beaucoup d'impulsions d'achat, d'impulsions de consommation aussi. Et donc, clairement, il est possible que dans un moment de votre vie, vous soyez ramené à vous préoccuper de besoins beaucoup plus primaires que ceux auxquels on pourrait s'attendre de la part de quelqu'un qui a un diplôme universitaire et qui évolue bien dans la société. Ce n'est pas du tout impossible. Hein. Les besoins d'appartenance sociale, besoin d'appartenance à un groupe, de se sentir belge quand les diables rouges défendent la bannière, ça existe aussi. Et c'est pour ça qu'on va acheter des t-shirts chez Carrefour alors, et collectionner les images Panini. Qui apporte quoi? Mais justement, ce sentiment de faire partie de la bande et on peut échanger et on fait partie du groupe. C'est la reconnaissance sociale. Et puis alors, évidemment, dans la collection Panini, il y a un moment fatidique où vous avez enfin Eden Hazard, la carte la plus rare, celle qui est dorée. Et alors, le sentiment d'appartenance au groupe se transforme en quoi? En sentiment de satisfaction égoïste. Ok? Moi, je l'ai, Eden. Ou j'ai la Rolex, hein. Moi. Donc ça, c'est le sentiment d'ego. Et puis alors, le sentiment sommital, c'est celui de l'accomplissement de soi. C'est souvent celui du pouvoir, la jouissance du pouvoir. C'est le sentiment sommital. Ça explique beaucoup de comportements. Ça explique aussi une évolution des comportements au fur et à mesure de l'âge. Quand vous êtes bébé, vous êtes un tube digestif. Vous bougez et ça sort de l'autre côté. Souvent aux grandes dames de vos parents. Et vous avez besoin de rassurance physique. Vous avez besoin aussi de sécurité. Okay? Il faut que maman et papa soient là. Sécurité veut aussi dire j'ai un élément maternel qui me pouponne et qui me caresse. J'ai un élément paternel qui est le symbole de l'autorité et dont je sais qu'il est prêt à défendre la caverne familiale si jamais elle est attaquée. Il est fort et je me sens en sécurité grâce à ça. Et puis après, vous atteignez l'âge de l'enfance et même celui de l'adolescence. Et là, de tout côté, les parents, on préférerait qu'ils ne soient pas trop là. Donc, ne me conduis pas jusque devant l'école, hein, dit, je vais encore me taper la honte. Par contre, ma copine a des Nike, j'aimerais bien des Nike aussi. Et puis, t'as vu le smartphone que je dois me payer, moi, par rapport aux autres, c'est un bête Huawei, alors que l'autre, il a un iPhone, je veux un iPhone aussi. Sinon, j'ai le sentiment de ne pas faire partie du groupe. Besoin d'appartenance, besoin de reconnaissance sociale. Et puis, il arrive un jour où même le groupe, on le rejette, parce que tout à coup, on est amoureux. Et alors là, il n'y a plus que l'être aimé qui compte. Et son regard sur moi. Et mes copines, plus rien à foutre. C'est moi qui l'ai. Et c'est le plus beau de l'école. J'ai beaucoup observé ça chez mes filles. D'où les images qui me viennent. Et puis il y a un jour où... je me dis, je suis à l'UNIF maintenant, il faudrait que je trouve un job. J'ai enfin trouvé un job, mais ce n'est pas tout à fait celui que je veux. Donc je veux encore mieux. Et puis un jour, je me dis, il faut que les femmes soient mieux reconnues, il faut que les femmes puissent être en position de management aussi. Vive Dominique Leroy, qui est la patronne de Proximus. Et ça, c'est ce que je vise. Ok, j'aurai des enfants, mais je veux être aussi patronne d'une grande entreprise du Belvin. Ça, c'est... Voilà comment les choses évoluent aussi avec l'âge. Chez certains, ça s'arrête un peu au milieu, mais ça peut évoluer. Et donc, c'est clair que vous n'allez pas vous attaquer à une population qui est à ce niveau-là, avec le même langage et les mêmes arguments que la population qui se trouve à ce niveau-là. Donc une pub qui est valable pour tout le monde, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'autant plus qu'il y a aussi des types d'achats qui sont différents. Alors il y a des achats de nécessité. C'est absolument indispensable de quoi ? D'acheter quoi ? Oui, mais quoi à manger ? Par exemple, du pain, oui. Besoin de base. Quoi d'autre est de base ? J'allais dire de la jupilère, d'accord. Disons de l'eau. Hein? Du Nutella, oui, d'accord. Un peu de matière grasse pour avoir de l'énergie. D'accord. Donc ça, c'est des produits de base, des besoins de base. Des produits souvent peu impliquants. Je ne dois pas réfléchir beaucoup avant de les acheter. Si je fais des comparaisons, ouais. Non, pas vraiment. C'est des décisions qui sont prises par la PRA, personne responsable des achats, mais avec des influences. Hein. Elle a essayé la semaine dernière d'acheter du Schmürtstella. Ça n'a pas marché avec les gosses. Hein. C'est comme si on leur avait donné des brocolis hein, à la place du Nutella. Et donc ça n'a pas du tout marché. Donc elle est influencée, cette personne responsable des achats, qui est donc 70 à 80% dans les ménages, madame. Mais 70 à 80% seulement. Dans mon ménage, c'est moi. Ce n'est pas madame qui suis responsable des achats. Mais je subis des influences aussi. Le processus est programmé, habituel. Ça fait partie de la liste des courses, en gros. Vous voyez ? D'ailleurs, on ne fait même plus de liste, parce que c'est toujours la même. Ce qui, d'ailleurs, a un impact sur tout le e-commerce. Parce que de plus en plus, si on fait ses courses alimentaires sur Internet, la liste est déjà toute prête. Et donc, il y a très très peu d'achats supplémentaires. Il y a des produits où on doit un peu réfléchir avant d'acheter. Des produits qui impliquent, ne fût-ce que par le montant de la somme à consacrer. Un nouvel ordinateur, ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. Une nouvelle bagnole, une maison, voilà qui implique un gros montant d'argent, une bonne part de notre épargne, c'est un achat impliquant. D'accord ? Oui, peut-être aussi votre nouvelle robe du soir pour le bal se lever, ça peut être aussi un achat impliquant. Et donc, dans ce cas-là, souvent, la décision va être collective. On va essayer de se rassurer sur le bien fondé de son choix en collectant des avis. Les copines l'ont trouvé superbe. Donc, c'est un processus plus lent. Une nouvelle machine à laver, j'irai voir au moins l'avis de test-achat sur Internet. J'irai sur le site Groupon pour voir, ou sur le site Quelcou pour voir si on ne peut pas l'avoir moins cher ailleurs. C'est quoi une bonne machine à laver hein? Et la vitesse d'essorage, ça doit être combien? 700, 800, 2000, je ne sais plus. Donc c'est un processus. Le besoin est difficile à préciser. C'est quoi un bon ordinateur portable? Il faut combien de mémoire RAM Et ça veut dire quoi, RAM déjà il faut combien de mégabytes et ça veut dire. Et combien de mégahertz ça veut dire quoi tout ça? Difficile, hein. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Ben on prend des avis. Et donc la décision devient un peu collective. Et puis il y a un troisième type d'achat qui sont les achats d'impulsion. Les achats d'impulsion, ben c'est souvent, mais pas toujours, des produits peu impliquants. C'est-à-dire que, de nouveau, ça ne coûte pas tellement cher. Mais surtout, ça répond à des émotions. Ça répond à des rêves. Ça répond à des pulsions. Donc, on est dans le domaine de l'irrationnel plutôt que dans le domaine du rationnel. Et c'est une décision, la plupart du temps, individuelle et qui se prend snap, à la minute. Plus vous réfléchissez, moins vous achetez en impulsion. Si vous vous dites, je vais dormir dessus et je réfléchis, vous êtes certain que vous ne l'achetez pas. Et il y a malheureusement beaucoup de commerces qui n'ont pas compris ça et qui ne vont pas jusqu'à l'acte de vente. Alors, il vous plaît bien ce châle, hein ? Je vous l'emballe ? Alors que vous êtes en train de le manipuler, vous êtes en train de vous dire, ce n'est peut-être pas raisonnable, c'est le troisième châle que j'achète cette semaine. Et vous êtes en train de vous convaincre vous-même de ne pas l'acheter. Si personne ne vous dit rien, vous n'achetez pas. Et donc faire ce pas qui dit, il est super, ça vous va très très bien, Autain. Je vous l'emballe. Hein. Acte de vente, proactif, vous n'achetez pas. Donc, c'est un processus court. Plus le processus s'allonge, moins on achète. Bon, et alors avec ça, on vit dans un monde où on est, alors moi je dis encore de 1700 à 3000, un de mes collègues Hugré, qui est le patron de l'agence Avast, dit aujourd'hui on est soumis à 5000 stimuli de communication commerciale par jour. 5000 ouftés. Ce qui représente à peu près 500 marques. Et on est capable de se souvenir d'à peu près une vingtaine par jour, à la fin de la journée. Donc, les marques pour vous convaincre, pour vous faire cet achat d'impulsion, vont devoir passer ce mur du bruit, du brouhaha, et ne pas être la petite voix qui crie sur la grande place, alors que il y a déjà des tas de gens qui hurlent dans des porte-voix. La PME a beaucoup de mal à passer le mur du bruit des gros acteurs de la communication que sont Procter & Gamble de nouveau, Unilever, Ferrero, Coca-Cola, Danone, Nestlé et autres. Ça va être un gros challenge en marketing, en communication marketing. Et aussi, l'esprit humain a des limites. On ne sait pas retenir la 23e marque. Combien est-ce qu'on retient de marques pour un même type de produit, à votre avis ? 5-6 ? Rarement plus. Qui peut me citer 8 marques d'ordinateurs ? Pourtant, vous en consommez tous. Ou 8 marques de smartphones, même. Vous en connaissez 8 ? Si vous arrivez à en citer 5, c'est déjà pas mal. Pourtant, vous en avez tous. Donc, travailler la puissance du brand, ça ne va pas être facile aujourd'hui. Il va falloir qu'on associe, pour être mieux retenu, il va falloir qu'on touche des choses qui vous sont déjà propres, qui sont déjà intériorisées, qui font partie de vos émotions ou de vos schémas d'évaluation parce que vous percevez comme vous percevez. Donc, en fait, une première chose qu'il faudrait faire, c'est arrêter de faire du truc compliqué. Et je vous ai déjà cité, je pense, une pub la semaine dernière où personne n'était capable de me dire qui était le commanditaire de la pub, mais tout le monde la connaissait. Vous vous rappelez ? Sésame ou bois, associer ça à Parthenamut, Déjà, c'est quoi Parthénamut? C'est pas évident. Donc il faut faire simple, simple, simple. Ah, il y en a qui l'ont bien compris. Hein. Simple, simple, simple. Vous vous souvenez de cette pub? Attendez, on va faire un test. Vous vous souvenez peut-être, quand vous étiez gosse, de cette pub où on voyait deux petits chimpanzés qui se parlaient. Un était habillé comme un homme avec une salopette, mm-hmm. et l'autre était habillé comme une femme, dans un intérieur, dans une cuisine. Et alors, il y a la petite chimpanzée qui dit à son mari qui rentre, « T'es tout dit dégueulasse, vivement au mon micro, ma housse costaud, merci au mon micro. » Voilà, une pub qui était destinée à vanter les mérites d'une poudre à lessiver. Très rigolote, hein. Et puis il y en avait une autre à la même époque où on disait « Je vous prends votre baril d'Ariel et je vous l'échange contre deux barils d'XYZ. »« Ah non !» dit la ménagère, « je préfère garder mon baril d'Ariel. » Vous voyez, laquelle des deux vous préférez? Celle avec les singes. Pardon ? Celle avec les singes. Celle avec les singes, hein. C'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus rigolo, il y a une mise en scène, il y a... C'est sympa. D'abord, c'était quelle marque, ça ? Homo. Homo, d'accord. Ça fait longtemps que vous avez vu du Homo dans les magasins ? Parce que 85% de part de marché, c'est plutôt Ariel. Hein. Mmh. Et quelques pourcents de part de marché, c'est Homo. À un point tel que Homo, on l'a fait sauter les rayons maintenant parce que ça tombe pas assez. Donc la pub la plus conne, la plus bête, la plus stupide, la plus naze, vous appelez comme vous voulez, mais la plus simple est celle qui a le plus d'impact. Alors que l'autre qui était très rigolote, qui s'adressait à notre cerveau pour une fois, hein, qui nous faisait rire, eh ben, elle est plus efficace. Donc, keep it simple and stupid. C'est certainement une règle qu'on peut appliquer. Je vous donne un autre exemple. Ça va aussi, non pas uniquement dans les pubs, mais dans la proposition de produit. Regardez. Voici de quoi vous faire tenir votre coiffure. Attendez, c'est pas fini. Oh. Il y a aussi ça. Tout ça est destiné à remplir le besoin, faire tenir ma coiffure. Et c'est uniquement les produits d'un seul producteur qui s'appelle L'Oréal. Sous divers noms, bien sûr, L'Oréal Studio, LCL, c'est toujours L'Oréal, Elnet, c'est toujours L'Oréal, et Fructis, c'est aussi L'Oréal. Mais L'Oréal a trouvé qu'il était intéressant d'avoir une gamme qui est gomme décoiffante avec effet mat, avec un look manga. Oups, ça c'est pointu comme... Et alors, il y en a aussi un autre qui est le gel White Shine avec effet mouillé. Au cas où vous voudriez à vous donner l'air de sortir de la douche. Et puis, il y a le freeze control. Et puis, il y a le spécial pour fixing des cheveux colorés. Et puis, il y a tenue extrême pour hommes et tenue extrême pour dames. Et ça, c'est rien que dans les gels. OK ? Est-ce qu'on a besoin de tout ça ? Résultat, quand vous êtes en face du rayon, en fait, il y a le stress qui monte. Punaise, est-ce que ça va être le bon ? Est-ce que je vais avoir l'air vraiment coiffé comme je le veux, c'est-à-dire avec l'air mouillé, débouclé, fixation extrême, sortant de la douche, homme ? Mais tout comme fait, est-ce que c'est vraiment ça que je veux ? On est allé loin dans les assortiments, non ? Vous ne trouvez pas ? On est allé loin dans les assortiments. C'est un peu compliqué tout ça. Et bien ça provoque du stress dans nos contrées. On croyait libérer les gens avec le marketing des produits, Et en fait, on leur provoque du stress additionnel parce qu'ils ne savent plus quoi choisir. Je vous l'ai peut-être déjà dit, on a fait des tests avec ma collègue Maggie Duens de l'université de Ghent. En particulier, a fait des tests sur les confitures. Et voilà, je vous l'ai déjà dit. Quand on a 6 confitures dans l'assortiment dans un supermarché, le client n'est pas très heureux. Et donc, il achète quoi comme confiture ? Il achète de l'abricot et de la fraise. Et alors, on dit, eh bien, on va passer à 12 confitures. 12 sortes de confitures différentes. Donc, on ajoute de la prune, on ajoute de la mirabelle, on ajoute de la poire. Et alors, on pose la question au client, qu'est-ce que vous pensez du rayon confiture ? Ah, il y a un bel assortiment là. Là, le client est content. Et il achète quoi ? De la fraise et de l'abricot. Et puis alors, on fait un autre test et on propose 24 sortes de confitures. Il y a abricot aux amandes, il y a figues noires et figues vertes, il y a coings mélangés avec de la framboise. Et là, on dit, qu'est-ce que vous pensez ? Oh non, ça c'est trop compliqué, ça m'ennuie ce rayon, on ne sait pas quoi choisir. D'ailleurs, moi je prends toujours de l'abricot et de la fraise. Mais, donc de toute façon, ils n'achètent que de l'abricot et de la fraise. Mais il faut atteindre un certain niveau d'assortiment pour rencontrer sa satisfaction. Mais dépasser un certain niveau, on tourne à l'insatisfaction. Parce qu'on provoque du stress du choix. Vous comprenez ? Aujourd'hui, en marketing, il faut faire simple. Parce que le stress du choix est un frein à l'achat. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est une autre explication qu'on peut donner sur les comportements d'achat. C'est que chaque personne qui est confrontée à un acte d'achat a dans sa tête une perception de risque. Une espèce de tableau de bord de risque. Et à certains moments, le risque fait et alors on n'achète pas. Le premier risque, et il est évident, c'est le risque financier. Est-ce que ça n'est pas trop cher ? Ok, j'ai pas cet argent-là, moi. Une Rolex, punaise, 6 000 euros, j'ai pas 6 000 euros à consacrer à une. Donc, j'ai le risque financier, ben, chez certains, ce risque financier n'existe pas. Okay. Ou moins. Ou, il peut varier aussi, cette fois-ci, je pensais acheter la Rolex, mais je viens de me faire virer chez Caterpillar, donc mon risque financier a tendance à être plus sensible. Donc, voilà le premier risque, il est évident pour tout le monde. Un autre risque évident, c'est le risque performance. Est-ce que ça donne vraiment l'heure, ce truc ? Parce que c'est joli, c'est doré, voire même il y a des diamants en plus, mais est-ce que ça donne l'heure juste ? Quand même, est-ce que ça performe ? Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que ce carnet d'épargne est moins risqué qu'un autre sur le plan de la performance. Est-ce que ce produit financier, cette SICAV, est plus performante et rapporte plus en rendement que la suivante ? Donc, dans tout type d'achat, on a ces risques qui montent à notre esprit et chez les uns, ils sont plus avancés que chez les autres dans certains domaines. Le risque de temps, est-ce que je ne vais pas perdre mon temps ? Si je dois me déplacer jusqu'au centre-ville pour aller à la FNAC chercher des tickets en faisant la file, une heure pour descendre en ville, une heure pour trouver un parking, une heure pour revenir et une heure pour faire la file, 4 heures pour acheter des tickets de concert, risque de temps beaucoup trop élevé. Comment ça se fait qu'on ne sait pas les avoir sur Internet ? Risque psychologique, physique, je vais commencer par celui-là, risque physique, Est-ce que ça va pas me péter à la gueule? Est-ce que c'est pas dangereux? Le médecin m'a conseillé telle pilule, mais j'ai lu dans le magazine Santé que les statines, on en parle en disant du mal. Hein. Je ne sais pas si je vais la prendre, cette pilule, pour finir contre le cholestérol. D'ailleurs, j'ai vu une émission hier à la télé qui disait qu'il fallait pas. Risque physique, c'est ça. Bon pour la santé, risque de se faire mal, etc. Et puis alors, il y a le risque psychologique. Bon, je me suis acheté quand même ce châle. Mais alors, je rentre le soir, je me dis, t'es quand même une fashion victim. Hein. Enfin, t'es fier de toi? Tu n'as pas pu résister, de nouveau. Hein. C'est le troisième cette semaine. Il n'y a que moi qui le sais. Mais par rapport à moi-même, mon reflet dans le miroir, j'ai quelques doutes. J'ai quelques doutes. Et alors, le plus pernicieux, c'est le risque social. J'espère que les autres ne vont pas dire qu'ils m'en mochent. D'autant plus que, en fait, je l'ai acheté chez Aldi. Chez Aldi? Tu vas chez Aldi, toi? Donc, le poids du regard des autres. Ah oui, maintenant, quand on est un bourgeois, il faut se comporter comme un bourgeois. On va pas faire ses courses chez Aldi quand on est bourgeois. Hein, si? Si, si le risque financier est le plus prégnant dans ma tête. Et donc, tout consistera pour transformer la réflexion du client en acte d'achat à diminuer la perception de ses risques chez chacun. Le problème, c'est que chacun, on a des niveaux de risque différents par rapport à un même type d'achat. Moi, vous aurez constaté que c'est les pantalons de couleur. Et les lunettes de la même couleur, d'ailleurs. Et ben voilà, j'assume, mais il y en a qui pourraient trouver ça ridicule. Hier, j'étais avec des gens très très sérieux, qui étaient tous en costume trois pièces. Vous savez, gris, anthracite, une fine ligne blanche, cravate, style club, Hermès, parce que ça fait bien. Et qui roulent tous dans le même genre de voiture, allemande, hein, qualité. Et donc, moi, j'ai l'air d'un zombie à côté d'eux. Donc, le risque perçu est variable d'une personne à une autre. Mais on doit en tout cas essayer de le diminuer. Et alors, toutes ces influences vont... Il y a toute une série d'influences pardon, autour de nous qui vont nous amener à avoir plus tel type de risque en tête, plus tel type de comportement en tête, plus telle manière de nous comporter. Le fait qu'on habite à Bruxelles ou en Brabant wallon va déterminer un certain nombre de comportements. L'âge aussi, hein, on fait des choses à 16 ans qu'on ne fait plus à 26 ou à 56. La situation familiale, ça change beaucoup tout à coup d'avoir des enfants, dans des tas de comportements, ou d'avoir des petits-enfants. Des facteurs d'influence de type socio-économique, le niveau d'éducation, évidemment. Je ne sais pas si on peut parler de classe sociale, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas, en tout cas. Des comportements qui sont déterminés par le milieu social dans lequel on vit. Ou la hauteur du patrimoine, des différences de comportements psychosociologiques, des grandes influences. Je vous ai certainement déjà dit que mes filles sont beaucoup plus soucieuses de durabilité, couche d'ozone, pollution, que moi qui ai vécu mai 68 ne le suis. Et donc, ça induit toute une série de comportements. Chez elle, il y a 6 sortes de poubelles différentes. Ça occupe les 3/4 de la cuisine. Mais ça, c'est un méga trend dans leur génération. Et puis alors, il y a des comportements qui sont sous influence médiagraphique, c'est-à-dire ce que disent les magazines, ce que disent les journaux, ce que disent les médias. C'est bien ou c'est pas bien, hein, les grandes tendances. Il faut rejeter le CETA, personne ne l'a lu. Mais il faut le rejeter, sûrement, c'est sûrement pas bien. Les réseaux sociaux aujourd'hui ont évidemment une énorme influence sur ce plan-là. Si TripAdvisor dit qu'il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Tout ça nous induit des besoins et des attentes, et aussi des manières de nous comporter, des motivations d'achat ou de rejet qui vont induire des comportements que le marketing doit prendre en compte. C'est pas gagné, hein, marketing. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple. Et on a vraiment intérêt à en savoir beaucoup plus sur le comportement d'achat de cette cible-là, à ce moment-là, pour ce type de produit ou service-là. Donc, le consommateur lambda, vous oubliez, hein. Quand vous entendez ça à la radio, vous fermez vos oreilles par rapport à la suite. Ça n'existe pas. Les baby-boomers ont certaines attitudes, la génération Y en a d'autres. Vous semblez faire partie de la génération C, vous connaissez ça? C'est celle qui communique, qui est connectée, qui clique tout le temps, qui est tout le temps sur quelque chose de computerisé, c'est-à-dire un ordinateur, un smartphone, un iPad, un iPhone, j'en passe et les pires. On ne doit plus essayer de vous faire avaler que vous êtes né dans les choux. Hein. Vous avez été downloadé. Donc voilà, ça induit un certain nombre de comportements de votre part. Et c'est à vous qu'il faut s'intéresser. Et vous, vous êtes bien documenté et bien informé. En tout cas, vous êtes surinformé et surdocumenté. Ce que nous n'étions pas à l'époque. Mais résultat, ça provoque un certain nombre de réactions, cette surinformation. On en a marre d'être maltraité. On en a marre que quelqu'un nous considère comme un consommateur lambda. On en a marre que la première chose qu'on nous demande en arrivant dans une banque, c'est pas « Bonjour, comment allez-vous, monsieur Boffa ?» mais « Quel est votre numéro de compte ?» On en a marre qu'on nous dit « Carte d'identité ?» On en a marre qu'on nous dise « Oh, vous avez été renversé par une voiture. Vous avez votre numéro de sécurité sociale ?» Tout ça, c'est de la maltraitance aujourd'hui, non? Parce qu'on voudrait bien qu'on s'intéresse enfin à nous, non? Que le relationnel devienne un peu plus grand. Ça, c'est une grosse tendance sociologique pour le moment. Une autre, dites-moi si je me trompe, hein, parce que je vais sortir un certain nombre d'affirmations qui sortent d'études que je lis ces derniers temps. On est connecté, oui? Je pense, hein. Et vous zappez? Zapper, ça veut dire utiliser la zapette comme pour changer de poste à la télé. Hein. C'est pas bon, je change. Oui? D'accord. Et puis vous dites ce que vous pensez aussi. Pas en face, hein, souvent. On va jamais dire au maître d'hôtel que sa sole sentait franchement pas le frais et que le steak était dur. Par contre, on va le dire à ses copains. Non? Surtout ces machins-là. On se considère comme acheteur malin, non? Quand j'ai eu le dernier iPhone, c'est le 7, celui qui n'est encore disponible qu'aux États-Unis, et je l'ai eu pour 20% moins cher. On est très fiers de pouvoir dire que c'est pas vrai, hein, parce que comme vous savez, Apple ne fait pas de réduction. Donc, on se dit smart. Et donc, on compare les prix. Ça fait bien de dire qu'on a pu acheter moins cher. On fait ce qu'on appelle du showrooming. Vous voyez ce que c'est, hein? je vais voir, je scanne le barcode du produit, et puis je regarde sur Around Me s'il n'est pas quelque part ailleurs dans les environs moins cher. Il y a des tas d'applications qui vous permettent de faire ça aujourd'hui. Vous faites ça ? Non, pas tellement dans nos contrées. Mais à Londres, ça c'est le sport national. Et c'est vrai que dans les régions d'extrême abondance d'offres, il est naturel que ça se passe. Mais chez nous, on ne fait pas encore beaucoup ça. On en a marre d'être manipulé à un point tel qu'on invente des contre-publicités. J'aime bien celle de Naï, Mais c'est normal, on est abreuvé de 500 marques par jour, entre 3000 et 5000 stimuli publicitaires tous les jours. Il y a de quoi faire un peu de rigolade aussi hein, là-dessus. Alors, le consommateur de demain, vous savez, hein. Vous savez puisque vous êtes informé. Puisque vous l'avez lu sur Internet, et souvent la source, en tout cas une que je vois beaucoup dans vos mémoires, c'est évidemment Wikipédia, qui, je vous le rappelle, n'est à ce stade pas encore considérée comme une source scientifique. Juste au cas où vous souhaiteriez vous engager dans la voie de la mémoire. Il se dit futé, parce qu'il fait les achats groupés, par exemple, hein. Ah, il est prêt à échanger plein d'infos sur sa vie privée, pour autant que ça puisse lui rapporter un petit peu de satisfaction personnelle, personnalisée. Bien sûr, on va donner nos coordonnées à Abercrombie & Fitch pour qu'il s'occupe de nous, pour que ce beau mec que j'ai vu avec ses tablettes de chocolat, qui servait la jupe que j'ai achetée, ouais, pour qu'il ait mon nom au moins, au cas où il voudrait m'appeler. Il recherche de la qualité et de la confiance. Pas de la lasagne au cheval. Il a un accès direct. 56% de l'utilisation des iPads, c'est devant la télé. Avec l'iPhone à côté, évidemment, au cas où le gars avec les tablettes me téléphonerait. Le stress du choix. Ça, c'est un rayon bière belge. Il y en a 1000. Alors, on choisit laquelle ? Celle qu'on connaît. Mmh. Celle qu'on connaît chez déjà. Chez les studentes, c'est souvent la Carapuce. Parce que c'est la moins chère. Évitez quand même de boire trop souvent cette merde-là. Mais sinon, on choisit comment ? Pour éviter le stress. En fonction de ce qu'on connaît déjà. En fonction de ce qu'on connaît déjà. Et donc, ben, ça explique la popularité de bières comme Jubilaire. Qui est loin d'être la meilleure. Hein. Mais c'est la plus connue, quoi. On est sûr de faire plaisir si vous aurez un bac de jus. Ou alors, le prix, ou alors, pardon, le degré d'alcool. Oui, peut-être, si vous êtes vraiment down ce jour-là, peut-être, mais typiquement, pardon. Le packaging va avoir une influence colossale. La Gordon Carolus, par exemple, avec étiquette noire et taux d'alcool très élevé, hein, avec un beau logo, une belle image, ça va être, ou la choupe qu'il y a avec un nain dessus, ça va être sympa. Donc, le packaging va avoir de l'influence. Et qu'est-ce qui pourrait encore avoir de l'influence ? Pardon ? Le vendeur, absolument, qui peut être considéré comme une référence et qui va me dire peut-être, c'est pour quel type d'occasion, si c'est pour du binge drinking, je vous conseille la Carapuce, si c'est pour une dégustation entre amis, Vous allez essayer de découvrir des arômes de caramel et puis une petite amertume finale. Assurez-vous bien que vous prenez un petit carré de fromage entre les deux pour goûter les livres. Alors, je vous dirai peut-être sur de la triple Westman. Okay, si par exemple, par contre, c'est pour recevoir des copains à la maison et vos copains ils boivent quand même que ce qui passe, à ce moment-là, on ira peut-être pour tel ou tel autre. Si vous cherchez quelque chose de plus fort, et en fait, on fait confiance à un référent. Et donc là, le marketeer, c'est celui qui va vous donner le conseil, c'est celui que vous allez aller chercher, chez lequel vous allez aller chercher la rassurance par rapport au risque que vous percevez. Et donc, une grosse part du marketing qui transforme la présence du produit sur le marché en achat par le consommateur, c'est en devenant un référent, en étant le référent. Et le référent, ça peut être, comme vous le disiez, le vendeur du magasin qui va vous dire « Cette machine à laver là que vous avez vue dans test achat, c'est effectivement un très bon produit, mais j'en ai une autre qui est 20% moins chère et qui a exactement les mêmes caractéristiques, 2000 tours minute pour l'essorage, les mêmes caractéristiques d'utilisation d'eau et d'électricité, et qui est notre produit maison. Et en fait, vous allez acheter celui-là. Pourquoi est-ce qu'il vous l'a conseillé? Parce que sur celui-là, il gagne 35% de marge, sur l'autre, il en gagne 18%. Mais vous l'avez considéré comme un avis autorisé qui a limité votre risque, et ça, c'est très bien. Vous voulez vous le faire. Concernant les départs, moi, sur la vie, chaque année, à la grande place, on organise des stands de dégustation pour les bières. Et donc, les bières, on ne trouve pas du tout dans les magasins. Tout à fait. Mais ça aussi, ça peut être une effort dans la mesure qu'on a l'alcool de prendre les mêmes bières, alors on peut en découvrir d'autres. Tout à fait. Et ça va concerner qui? La personne qui en boit tous les jours et qui. Fais pas attention, non, ça va peut-être concerner des gens qui, peut-être comme vous, sont amateurs de découvertes de goûts nouveaux, pour lesquels les papilles gustatives c'est quelque chose d'important, alors que pour d'autres, c'est du manger. Vous comprenez? Enfin, du pain liquide. De nouveau, les gens sont différents, les cibles sont différentes et il va falloir segmenter. Donc, on peut trouver des tas de facteurs d'influence et de référents par rapport à ça. Quelques autres attentes, et puis on terminera là-dessus pour la première partie. On est tyrannisé par le stress du choix. Et donc, il y a même des commerçants qui sont nés. Vous connaissez Colette à Paris? C'est quoi Colette? Pas un grand magasin, c'est un magasin. C'est pas un department store comme Harrods. Hein, c'est un magasin où il y a un peu de tout. Mais quoi, un peu de tout? Il y a des habits, donc une gamme de produits très large. Large, ça veut dire qu'elle répond à un grand nombre de besoins différents. Hein, il y a des produits alimentaires, il y a des produits vestimentaires, il y a des produits de parfum, il y a des produits de bijoux, il y a des produits de chaussures. Il y a vraiment de tout. Mais la caractéristique particulière de Colette, c'est quoi? C'est d'être un trendsetter. Elle dit, ce produit-là, vous ne le connaissez sûrement pas, mais moi, je vous dis, ça, c'est le produit qu'il vous faut. C'est le produit magique. C'est le produit mode. C'est le produit de bonne qualité. Par exemple, tout le monde connaît Hermès en France, hein, le maroquinier. Delvaux ne connaît pas, hein, en France. Et donc, Delvaux, il est chez Colette. Et Colette dit à tout le monde, c'est la même qualité qu'Hermès, et c'est deux fois moins cher. C'est ça le produit qu'il vous faut. Regardez comme c'est bien fait. Et donc, c'est un vrai bon conseiller, un vrai bon référent, qui est un trendsetter et qui va vous dire ce qui est hype. Oh, c'est pas bon marché, hein. Mais, Monocle, vous connaissez ce magazine? Non, je pense pas. Mais mon oncle, c'est... Vous avez tout. Voici le reste. Voici les tas de produits qu'on peut encore s'offrir quand on a déjà tout. Et si vous rajoutez un zéro, votre prix sera bien. Mon oncle, c'est un magazine de plusieurs centaines de pages, des produits de rêve. La machine qui relie à votre voiture va elle-même déployer un bras mécanique qui va aller chercher le courrier dans votre boîte aux lettres. Voilà, ça existe. Et des tas de machines dans ce genre-là. Donc, voilà des référents. Test d'achat en est un mot. Parce qu'on a besoin de repères. Ah, aussi, on a besoin de sentiments d'appartenance à des valeurs. Ne pas polluer la couche d'ozone, ne pas faire travailler les petits-enfants au Bangladesh, d'être green, d'être sans gluten, d'obéir à des valeurs, les valeurs du Dalai Lama, la paix dans le monde, voilà. On a besoin de pouvoir se raccrocher à des valeurs comme ça. Apple a beaucoup travaillé dans ses communications sur ce genre de thème dans les années 90, par exemple. Et puis aujourd'hui, le consommateur, il veut exactement ce qu'il veut pour lui. Donc, d'où l'apparition, par exemple, à côté de McDo et de Burger King, de toute une série de burger restaurants pour le moment où vous pouvez établir votre produit vous-même. À la place du bœuf, je voudrais du canard. Et à la place du cheddar de merde, je vous préférerais une tranche de foie gras. Et à la place du ketchup, mettez-moi du chutney de figue. Et à la place du bun, qui va quand même bourrer mon estomac, mettez-moi peut-être plutôt une tartine de pain multicéréales sans gluten passée en toast. Et ce burger-là, je suis prêt à payer le prix. Mais moi, je ne mange plus du McDo. Et je suis prêt à payer le prix, mais si vous me faites 10%, j'en achèterai peut-être deux. Je négocie. Et par rapport à ça, pour les produits de base de tous les jours, quand je vais faire mes courses, la moitié des gens trouvent ça chiant. Non ? Et puis on trouve que les magasins sont quelconques, non ? Pas très attrayants. Tous les mêmes. Donc on diminue le temps qu'on y passe. Et puis le lendemain, on a envie de crêpes et on dit tiens, plus de choux, il n'y a plus de lait. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors que pour les premiers achats, on a fermé tous les prix et on a pris le moins cher. Pour la bouteille de lait qui manque pour satisfaire le besoin de faire les crêpes, on va aller la chercher où? Chez le paquis du coin, qui vous les vend 50% plus cher. Mais on s'en fout, parce que ça répond aux besoins du moment de faire les crêpes. Mais le temps passé dans les magasins a beaucoup, beaucoup diminué. Ces dernières années, on en a marre d'être pris pour un zozo, et on voudrait bien consommer moins, au sens société de consommation qui nous oblige à acheter de la poudre à lessiver dont personne n'a besoin, etc. On voudrait bien, mais on est quand même tenté à part le charme. Ce qui veut dire qu'il y a des moments où on est totalement rationnel. Et on va regarder, par exemple, une comparaison entre le monsieur propre 2 litres et le monsieur propre 1 litre. Et on va regarder quoi? Le prix au litre. Et on se dit, évidemment, que le monsieur propre 2 litres devrait être moins cher au litre que le monsieur propre 1 litre, non? Logiquement. Et qu'est-ce qu'on constate? Le monsieur propre 2 litres est plus cher au litre que le monsieur propre 1 litre. Ce qui est vrai. Alors, quel scandale! mètres plus loin, vous trouverez sur une tête de banc une grosse vache mauve qui chie du chocolat. Et c'est super sympa, je vais en prendre pour moi et pour mes copines. Et donc, vous êtes la même personne et à 3 mètres de distance, vous êtes parfaitement compulsif dans l'achat, alors que 3 minutes plus tôt, vous étiez totalement rationnel dans l'achat. Et ça nous arrive tous les jours. Mais vous savez pourquoi le monsieur propre 2 litres est plus cher au litre que le monsieur propre 1 litre ? Parce qu'il y a plus de demandes. Parce qu'il y a plus de demandes, tout simplement. C'est l'article le plus vendu, c'est le best-seller. Donc, si on peut se faire de la marge additionnelle, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. On achète évidemment des produits de marque. Oh, je n'achète que du Nutella. Et que du coca. Je n'achète jamais de Schmutz-Tella ou de Aldi-Tella ou de Deleuze-Tella. Mais pour les pâtes, ça c'est pas grave. Pour le papier cul, c'est pas grave. Et donc, on achète à la fois des produits blancs, des produits de marque et des produits de marque de distributeur. Donc le profil d'acheteur, il n'est pas monomaniaque, il n'est pas unique, il est pluriel. Et d'ailleurs, il varie en fonction des missions de consommation. Allez, vos courses habituelles, vous les faites où ? Toute la semaine ? Les courses pour la semaine ? C'est peut-être par vous qui les faites. Pardon ? Au Carrefour. Au Carrefour ou au Colruyt, ça c'est pour le panier hebdo, ok ? Ce midi, après le cours, vite manger quelque chose avant de retourner au cours. C'est où ? Pardon ? Au CAF-CAF, sur l'UNIF. Voilà, par exemple, hein, sur l'UNIF, hein, au CAF-CAF. Et puis, ce soir, vous êtes invité chez un de vos amis. Il va vous faire un dîner presque parfait. Où est-ce qu'il a fait ses courses, lui, pour un dîner presque parfait ? Pardon ? Le supermarché le plus proche, peut-être, mais il va vous faire du poisson pour montrer qu'il sait cuisiner un petit peu. Et donc, il va aller chercher où ? Dans le supermarché, hein ? Peut-être plutôt chez un poissonnier ou créateur. Et puis, les avocats aux crevettes au début, les avocats, ils doivent être mûrs pour ce soir. Il n'y a qu'un seul endroit pour ça, c'est chez Rome. Hein, et vous allez, vous savez qu'il aime le vin, vous allez lui amener en cadeau une petite bouteille de vin, non hein, et vous allez l'acheter où ? Ah, peut-être chez un caviste, hein, parce que là, ils s'y connaissent, c'est pour quelqu'un qui aime bien ça. Et vous pouvez ajouter à ça l'achat de comparaison, l'achat, ah oui là, le trip d'achat, la mission, shopping social. Vous connaissez ça ? Ah, moi j'ai appris ça avec mes filles. Papa, on peut aller rue Neuve. Qu'est-ce que tu vas faire rue Neuve ? Ben voilà, on descend rue Neuve avec les copines, on va faire du shopping. Oui, on n'achètera rien si on va faire du shopping. En fait, on va avec les copines rue Neuve, et enfin, je suis là, celle-là, on va plus sur la main, et on entre dans un magasin, on essaie de faire un selfie, et on passe une après-midi entre copines, on n'achète effectivement rien, on fait chier toutes les vendeuses, on est un des millions de passants de la rue Neuve qui fait grimper les loyers, et on fait du shopping social. Donc, il y a plusieurs missions de shopping, et en fonction de la mission, ben, on va rechercher plutôt le juste prix, ou plutôt le produit rationnel, ou plutôt la promenade. Voilà toute une série de missions, y compris celle que j'ai oubliée, qui est Chou, il manque de lait pour faire les crêpes, qui était à ce moment-là chez le paquet du coin. Vous voyez que nos comportements sont éminemment variables aujourd'hui. Donc, plus de consommateurs lambda On va s'arrêter là pour la première partie. On prend un verre de repos.